Ah, je t'en ai. C'est quoi cette tête que tu nous as sortie là? Hein? Je t'ai même pas reconnu quand t'es arrivé. Alors, tenez, et mon blog, t'as vu ou pas? Est-ce que je t'avais dit, et toutes les meufs, elles sont sur internet de nos jours. Ça sert au moins à attraper les petites putes. C'est important dans ton blog. T'as aucun respect, quoi, t'as pas de respect là. Qu'est-ce que tu traites ma meuf de pute là? T'es sérieux ou pas dans ton délire? Tu parles de respect, toi, hein? Qu'est-ce que tu parles de respect? On a grandi au milieu de nulle part. C'est normal qu'on s'en sorte. Tu te rappelles au tout départ, okay. On traînait tes pieds sans somme. Gros, je vais t'oublier, tu vas bugger. Je vais placer les petits frères sur le buggy. Dans les locaux des chevilles, t'as collaboré. Et ta gadja, c'est une boogie. Une bécane à tes max noirs. J'arrive tout en noir en cas d'histoire. Aucune hachma, au milieu de ta tête, sous bout d'un discours. J'ai pas tourné la page, dis-moi que t'as pas le cash, que je pète un club. Et le pavé m'a dit, ton dossier Excel, t'as été très très sage. A tes max noirs, a tes max noirs, a tes max noirs. La dégaine est arpin. Tu me dis quoi? A tes max accrapeau, t'en dis quoi? T'as dit quoi? J'ai des grammes au pain, j'suis dans la zone, a tes max quoi? Et j'suis comme Eden, sur le côté j'me débarrasse de toi. Vrai char au pistol, t'as dit. C'est pas qui je suis, demande à ta go. Le usage c'est peu frais d'envahir. On allume les gravons de ton ghetto. J'ai pas froid. Ce soir j'ai bu du jack. Okay. Regarde froid. Fais pas des hâtes, va ta shot. Y'en a pour ta feuille au CB. Y'en a pour fracturer les nines. 22 balles pour le Kamaz à peu près. A 28 y'a de la trophée de cocaïne. T'avais pas capté que j'étais lié à mes, mais bon j't'en veux pas. Mélange pas l'oseille du Kamaz et de la zen narval, ou faut que tu fasses de temps. A tes max noirs, a tes max noirs, a tes max noirs. La dégaine est arpin. A tes max attrapeau, t'en dis quoi? T'as dit quoi? J'ai des grammes au pain, j'suis dans la zone, en tes max quoi? Et j'suis comme Eden, sur le côté j'me débarrasse de toi. Deviens fou, entends les bruits de coca. Auto-métal, la cible qui s'étale, gros c'est pas des blagues. A tes max attrapeau, mon poteau t'étale. A tes max attrapeau, mon poteau t'étale. Les jeunes aujourd'hui, vous avez ça à la bouche, le respect. Ils ont pas bien d'une tête. Le respect, l'honneur, le côté voyou, tout ça, c'est de la merde, ça n'existe pas. Tous les connards qui sont en prison, tu sais pourquoi ils y sont? C'est parce que leurs soi-disant potes, ils les ont balancés, voilà pourquoi. La vérité, c'est que les gens, ils te respectent quand t'as des couilles, quand t'es le plus fort. À la moindre faiblesse, tu tombes par terre, ils te marchent dessus comme si t'étais une merde. Tu veux être un gros voyou, hein, vrai? Bah t'auras pas de potes.